Donc Belfus, c'est le résultat du deuxième sauvetage de Dexia. Dexia s'est écroulé en septembre 2011 et l'État s'est porté acquéreur de Dexia Banque Belgique, qui est ensuite devenue Belfus il y a exactement 5 ans. Belfus a été racheté par l'État, qui est toujours propriétaire de la banque. C'est une banque qui a pour spécificité d'être une banque des communes. C'est une banque qui est essentiellement belge, qui est 100% belge. Donc il n'y a pas de déplacement de profit vers un autre pays, vers une maison mère en dehors du pays. C'est une banque qui est dirigée depuis la Belgique, par opposition à un certain nombre de banques, et la plupart des banques en Belgique, qui sont dirigées depuis l'extérieur. Avoir une banque en Belgique dont l'objectif principal est la défense de l'intérêt général, ce serait quelque chose de nouveau. Donc rien que pour ça, il s'agit de défendre le fait que Belfus reste dans le giron public et qu'elle se mette véritablement au service de l'intérêt général. Pour arriver à ça, il faut créer un débat public. Et pour créer un débat public, il faut une implication d'un maximum de parties. On a donc eu cette idée avec quelques autres personnes de créer une plateforme qui rassemble des syndicats, différents groupes de part et d'autre de la frontière linguistique belge, des associations qui travaillent sur la finance, des associations qui travaillent sur d'autres sujets. Donc on a ainsi rassemblé plus d'une quinzaine d'organisations et cette plateforme est amenée à grandir. C'est clair qu'aujourd'hui, Belfus, elle est 100% détenue par l'État, mais elle est gérée comme une société privée, c'est-à-dire que l'État se considère comme un actionnaire, et donc a encore cette logique de maximisation du profit. Donc il y a des aménagements à faire dans la gouvernance, dans la mission qu'on donne à Belfus, etc. Ce qu'il conviendrait de faire surtout, et c'est ce qu'on essaye de faire avec la plateforme, c'est de créer un débat public sur l'avenir de Belfus, puisqu'on a été mis devant ce fait accompli que Belfus est devenu une propriété publique en 2011. Aujourd'hui, les discussions quant à son avenir, quant à ce qu'on doit en faire et ce qu'on veut en faire, doivent rentrer dans le domaine public.